Amara, chérie, passe à la gaboyero. Salaïro, chérie, passe à la gaboyero. Nano Kelimboula, na quartier du Vémé. Nathanelli Tongo, na Kwebinagaro. Sokyo lingo yeba, témoin nanga moulero. Moi, maman Baudouero, si melanga lokasa. Na kwe ila moule, chéri la moussanga na pongi. Salaïro, motino nini na lingayo. J'ai tout salaï, motino nini na lingayo. Na kwe ila moule, chéri la moussanga na pongi. Non, na kwe l'amour. Mwana mwasho na kwe l'amour. La moussanga na pongi. Ah, ah, bébé. Salaïro, motino nini.